Bonjour, bienvenue sur Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. Aujourd'hui, épisode numéro 66 avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut professeur Fon. Donc ça va être un épisode mémorable parce que c'est ton dernier dossier dans cette configuration-là. Ouais. Ouais, donc tu quittes pas le podcast, on le rappelle, mais tu vas t'en éloigner gentiment. Enfin, tu seras plus aux commandes du podcast. Chaque semaine. Chaque semaine, ouais, mais tu feras une apparition comme ça à intervalles réguliers, 3-4 fois par année. Donc ce sera clairement plus la même chose, quoi. Alors ça, c'est un peu un épisode en forme d'au revoir ce soir. Et puis bah, pour ça, tu nous as préparé un dossier à la hauteur de ce que tu sais faire. Quelque chose de magnifique. Cher poditeur, soyez prévenus, le tube d'aspirine est sans doute indispensable ce soir, plus que jamais. Là, on est au-delà de la matière noire, au-delà de l'énergie noire. Au-delà de la théorie des corps, non, quoique. Ouais, ouais. Enfin, il faut s'accrocher. On va faire ça tout de suite, mais auparavant, je voulais juste dire un mot sur l'épisode de la semaine dernière. Parce qu'on on a un peu débriefé entre nous avec la nouvelle équipe notamment. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et puis quelques commentaires d'auditeurs sont remontés quant au peu de scientificité du numéro de la semaine dernière. Et c'est vrai, moi je n'arrive pas vraiment à le défendre. C'était intéressant. On a appris des tas de trucs intéressants dans le dossier de l'IA, mais c'était pas très scientifique. Effectivement, ça manquait de références scientifiques, ça manquait de documentation. C'était pas étayé comme on souhaite que ce le soit. Donc on va prendre nos dispositions pour que ce genre de choses n'arrive plus. C'est vrai qu'on a ce côté assez cool, assez freestyle, assez ouvert et spontané, mais c'est vrai que du coup, on court ce risque de pas toujours voir la qualité qu'on souhaite, enfin pas entendre, plutôt la qualité qu'on souhaite entendre systématiquement dans le podcast. Donc on ne sait pas encore très bien quelle disposition on va prendre, soit éditer des guidelines, soit demander à voir les dossiers une semaine avant qu'ils soient présentés à l'antenne ou quelque chose comme ça, mais en tout cas on va prendre des dispositions pour que ce genre de choses n'arrive plus et qu'on garantisse le minimum des standards scientifiques, en tout cas ceux qu'on s'applique à nous-mêmes quand on présente des dossiers. Donc voilà, fera plus, c'est promis. Sur ce, on va passer au dossier de Mathieu, qui devrait réveiller ceux qui s'étaient endormis la semaine dernière. J'ai aucun souci à ce niveau-là. Mathieu, je crois que le moment est venu de nous révéler le titre de ton dossier. On est tout ouïe. Oui, aujourd'hui, je vais parler du paradoxe du chat de Schrödinger. Je pense qu'il y a tout le monde qu'on a un petit peu entendu parler, et puis je pense qu'il y a aussi pas mal de nos auditeurs qui doivent un peu, enfin qu'on déjà un petit peu lu là-dessus, essayer de comprendre ce que ça voulait dire. Mais aujourd'hui, on va essayer de bien expliquer ce que c'est ce paradoxe, et on va rentrer un peu dans la mécanique quantique qu'on a pas vraiment parlé durant toutes ces émissions de podcast science. On l'a un petit peu abordé à l'occasion de quelques dossiers, mais aujourd'hui on va rentrer plein fouet là-dedans. Alors, je vous avise, il faudra s'accrocher quand même un petit peu. J'ai essayé de faire mon mieux pour expliquer ça, mais des fois, ce n'est pas facile, la mécanique quantique. Alors, l'expérience du chat de Schrödinger, c'est une expérience qui a été imaginée en 1935, donc par le physicien qui porte son nom, donc Erwin Schrödinger. Et cette expérience, elle avait pour but de mettre en évidence des supposées lacunes dans l'interprétation de la physique quantique appliquée aux objets quotidiens, faites par l'école de Copenhague. Alors, l'école de Copenhague, pour ceux qui n'ont pas entendu parler, c'est un courant de pensée en physique qui a pris place au XXe siècle et qui présente la mécanique quantique comme un simple instrument de prédiction. Bon, vu comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose, on reviendra un peu plus tard sur ce que veut dire un instrument de prédiction. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette école de Copenhague, il y a eu de nombreux grands physiciens qui sont inscrits dans ce courant, comme Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Born, donc je pense qu'on a tous un peu entendu parler de ces noms-là. Mais lui, Schrödinger, en l'occurrence, avec son expérience du chat, il a voulu illustrer un problème qu'on appelle le problème de la mesure. C'est un problème qui trouve sa source dans l'interprétation purement prédictive de la physique quantique telle que l'a décrit l'école de Copenhague. Ok, moi j'ai juste une question à ce stade, Mathieu. Quand on parle d'expérience du chat de Schrödinger, c'est une expérience, c'est une vraie expérience ou c'est une expérience de pensée? C'est une expérience de pensée. D'accord, ok. Schrödinger, Personne pardon? n'a jamais maltraité de chat dans cette expérience. Non, non, non. Non, je crois que je Ok. le cite un petit peu plus tard d'ailleurs dans le dossier, D'accord. que c'est une pure expérience de pensée, sans plus. Ok. Donc on va un petit peu introduire la mécanique quantique pour commencer, pour bien se mettre dans le bain. Alors, la physique quantique ou mécanique quantique, c'est l'appellation générale d'un ensemble de théories physiques qui sont nées au XXe siècle et qui décrivent le comportement des atomes et des particules. Et la mécanique quantique a donc pour but de décrire le monde microscopique et de l'infiniment petit. Cependant, sa description du monde heurte le sens commun à plusieurs égards. Alors, par exemple, il y a une propriété bizarre de la mécanique quantique qu'on appelle la dualité onde-particule. Alors, j'en avais parlé dans le dossier sur la lumière avec une expérience qui s'appelait l'expérience des fentes de Young. Alors, je ne veux pas revenir là-dessus aujourd'hui, je vous renvoie au dossier sur la lumière, mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la dualité entre particules, c'est déjà une propriété un peu bizarre de la mécanique quantique. Aujourd'hui, on va s'intéresser au problème de la mesure, qui est aussi lié à des propriétés un peu bizarres. Et ce problème de la mesure, décrit par Schrödinger, c'est aussi une des interprétations, des nombreuses interprétations étranges que l'on peut faire de la mécanique quantique. Et ce problème de la mesure illustre bien les difficultés de corrélation entre les postulats fondamentaux de la mécanique quantique et le monde macroscopique tel qu'il nous apparaît et tel qu'on peut le mesurer. Alors pour bien comprendre le problème du paradoxe du chat de Schrödinger, il faut introduire deux, trois notions de mécanique quantique. Alors, on va On est commencer. assis. Comment? Ouais. On est assis, on est prêt, Assieds-toi et vas-y. accroche-toi bien, mets Ouais. ta ceinture de sécurité. Bouclé. On va d'abord essayer d'expliquer ce que c'est un état quantique. Alors, un état quantique, ça peut être vu comme un ensemble de propriétés qui permettent de décrire complètement un objet physique. Alors, quand on parle d'objet physique ou de système physique, ça peut être par exemple une particule de matière. Alors, si on prend par exemple le cas d'un électron en mouvement, son état quantique est décrit par quatre propriétés, qu'on appelle aussi nombre quantique. Alors la première propriété d'un électron en mouvement qui permet de définir son état, ou le premier nombre quantique, c'est son énergie. Le deuxième nombre quantique, c'est son spin. Le troisième, c'est ce qu'on appelle son moment angulaire. Et le quatrième, c'est ce qu'on appelle son moment magnétique. Alors on ne va pas rentrer dans les détails sur ce que ça veut dire moment angulaire, moment magnétique, mais il faut simplement savoir que ce qui décrit l'état quantique d'un électron en mouvement, ce sont ces quatre propriétés. D'accord? D'accord. Alors en physique classique, donc en physique non quantique, l'état d'un système physique détermine de manière absolue les résultats de mesure des grandeurs physiques. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si on a par exemple une particule qui est dans un état très énergétique, eh ben, si on veut mesurer par exemple une des grandeurs de cet état qui peut être par exemple la vitesse de la particule, on va se rendre compte qu'elle a une vitesse très élevée. D'accord? Et donc l'état énergétique élevé de la particule est directement lié, détermine directement la vitesse de la particule. D'accord? Ouais. En physique classique aussi, on a en fait les différents états d'un système ou d'une particule physique classique sont mutuellement exclusifs. C'est-à-dire que si on a une particule très énergétique ou un système très énergétique, où il est très énergétique, où il ne l'est pas en fait. Il ne peut pas être les deux à la fois. D'accord? Donc les états sont mutuellement exclusifs. On a l'un ou l'autre. Ok, ouais, c'est C'est clair. clair? Bon. En physique quantique, c'est un petit peu différent. Parce que la connaissance de l'état d'un système, d'un objet physique ou d'une particule quantique permet seulement de prévoir les probabilités respectives des différents résultats possibles lors d'une mesure. C'est-à-dire que si on a une particule très énergétique au niveau quantique, il n'y a pas un lien direct entre les grandeurs qui permettent de définir cet état. C'est-à-dire qu'on a une probabilité d'avoir une valeur élevée ou faible d'une grandeur physique liée à cet état. Mais ce n'est pas déterminé comme en physique classique. L'état quantique, en fait, ne peut pas être assimilé à un ensemble de propriétés physiques qui évoluent au cours du temps. En mécanique quantique, l'état et les grandeurs physiques sont deux concepts séparés et sont représentés par des objets mathématiques complètement différents. Donc, l'état et les grandeurs sont deux choses différentes. Elles sont pas liées. Elles sont seulement liées par des probabilités, en fait. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. On va, de toute manière, on va revenir là-dessus. Vous verrez dans le cours du dossier. On avait dit qu'en physique classique, j'ai dit juste avant qu'en fait, les états d'un système physique classique, ils sont mutuellement exclusifs. En physique quantique, on a aussi des états mutuellement exclusifs, comme en physique classique. Donc ces états mutuellement exclusifs existent aussi et on les appelle les états quantiques orthogonaux. D'accord? Donc c'est des états qui, si on a l'un, on n'a pas l'autre. D'accord? D'accord. Donc. C'est comme la dualité onde-particule. À un instant T, la particule est, bah, ouais, enfin, l'objet quantique est soit une onde, soit une particule, mais elle n'a pas les deux propriétés en même temps. C'est ça que ça veut dire? Non. Ah, Enfin, ok. je crois pas, non, je crois que ça n'a rien à voir là. D'accord. Non, non, essaye d'oublier la dualité onde particules. Là, on est dans autre chose. D'accord, j'étais content de pouvoir ramener un peu ma science, autant pour moi. Non, Je me alors, tais, je t'écoute. une particule quantique peut avoir des états quantiques qu'on appelle orthogonaux qui sont mutuellement exclusifs. Ce D'accord. sont en quelque sorte les états de base d'un système quantique comparable à ceux de la physique classique. Mais la nouveauté en mécanique quantique, c'est qu'en plus de ces états orthogonaux mutuellement exclusifs, il en existe aussi beaucoup d'autres. En réalité, une infinité. Et ces nouveaux états quantiques s'obtiennent en mélangeant les états quantiques de base. Donc la mécanique quantique, en fait, elle expose tous les états possibles d'un système. Autant les états de base, les états mutuellement exclusifs, et aussi tous ceux qui peuvent s'obtenir en mélangeant les états de base. C'est ce qu'on appelle en superposant les états de base, d'accord? D'accord. En mécanique quantique, donc le principe de superposition stipule que les propriétés qui caractérisent un état quantique d'une particule peuvent posséder plusieurs valeurs, en fait. C'est-à-dire qu'on a dit qu'en mécanique quantique, on avait des états orthogonaux mutuellement exclusifs. Mais qu'en mélangeant tous ces états, on obtenait aussi des nouveaux états. Et ces nouveaux états, en fait, ils sont ce qu'on appelle en superposition et ils peuvent avoir plusieurs valeurs pour les propriétés qui définissent l'état. Un système quantique se trouve dans un état superposé tant qu'il n'est pas observé ou mesuré. En fait, la mécanique quantique stipule que le résultat d'une mesure, d'un système, d'une particule en mouvement ou d'un objet physique, d'un objet quantique, donne toujours, donc le résultat d'une mesure donne toujours un des états de base mutuellement exclusifs. Il n'est pas possible d'obtenir, lors d'une mesure, un état superposé. L'état superposé existe uniquement en absence d'observation. Et pour expliquer un peu mieux ce phénomène, il faut faire appel à une nouvelle notion qu'on appelle la fonction d'onde. Alors, la description du monde par la mécanique quantique repose sur justement ce qu'on appelle une fonction d'onde, qui donne les probabilités de trouver une particule ou un objet quantique dans un état ou un autre. Quand je dis fonction d'onde, il faut essayer d'imaginer mathématiquement une courbe de forme ondulatoire, d'accord? Et selon où on se trouve sur cette courbe, on aura une probabilité élevée ou faible d'obtenir un état ou un autre. D'accord. T'arrives un peu à visualiser? Ouais, mais je me rappelle que tu en avais déjà parlé de cette fonction d'onde, que j'avais pris un paquet de notes à l'époque, puis j'ai un peu oublié depuis, je vais réécouter ton épisode sur la lumière, c'était là que tu en avais Ouais, parlé, hein? exactement, ouais. Ouais, ok. Alors, c'est pour cette raison qu'on a coutume de dire qu'un système quantique peut être dans plusieurs états à la fois, ou dans un état superposé. Mais il faut en réalité comprendre que le système est dans un état quantique unique, mais que les mesures peuvent donner plusieurs résultats différents. Chaque résultat étant associé à sa probabilité d'apparaître lors de la mesure. Donc en fait, quand on dit état superposé, ce n'est pas qu'on a plusieurs états, c'est qu'on a un état caractéristique qui peut donner plusieurs valeurs lors de la mesure. On ne sait pas plusieurs valeurs en fonction de la probabilité. On peut avoir une probabilité élevée d'avoir une valeur x ou faible d'avoir une valeur y. Et lors d'une opération dite de mesure, l'objet quantique sera trouvé dans un état de base déterminé. C'est-à-dire, lorsqu'on fait une mesure, il se produit ce qu'on appelle une réduction ou effondrement de la fonction d'onde, et la particule ou l'objet quantique se matérialise dans un état donné, selon la probabilité indiquée par sa fonction d'onde. C'est comme si tout acte d'observation sélectionne instantanément un et un seul état parmi l'ensemble des états superposés possibles. Ouais, bon, c'est là que c'est super contre-intuitif. Ouais. Ça veut dire que quand personne observait les particules, elles avaient un comportement différent. Je sais pas, à l'époque des dinosaures, la physique quantique n'existait pas. Ouais, bah c'est. Mais alors, bah, ça tombe bien. Alors, attends, je fais un petit aparté. Il faut juste que je retrouve ça, parce qu'il y a un physicien belge qui avait dit justement quelque chose là-dessus. Juste 2 secondes, voir si je le retrouve. Aïe, je sais pas si je l'ai sous la main. 2 secondes. Bah, c'est assez drôle ce qu'il a dit. Ce serait bien que. Ouais, voilà. Donc, Bell, il a dit, on dirait que la théorie se préoccupe seulement des résultats de mesure et n'a rien à dire sur quoi que ce soit d'autre. Mais qu'est-ce qui permet à certains systèmes physiques de jouer le rôle de mesureur? Est-ce que la fonction d'onde de l'univers a dû attendre des milliers de millions d'années avant de faire un saut, attendre l'apparition d'une créature unicellulaire, ou a-t-elle dû attendre plus longtemps jusqu'à qu'apparaisse un système plus qualifié muni d'un doctorat? Tu vois un peu l'idée, quoi. Ouais, bah effectivement. Alors, où est-ce que j'en étais? Donc tu nous disais que c'était comme si tout acte d'observation sélectionne Voilà, c'est comme si tout acte d'observation sélectionne instantanément un et un seul un état état. parmi l'ensemble des Voilà. états superposés possibles. Et donc, c'est la mesure, en fait, qui perturbe le système quantique. Elle fait bifurquer d'un état quantique superposé vers un des états de base qui est mesuré, donc vers un des états orthogonaux mutuellement exclusifs dont j'avais parlé. D'accord. Et c'est un état qui est qui donc l'état qu'on obtient après la mesure, c'est un état qui ne préexiste pas avant la mesure et qui a une probabilité d'advenir décrite par la fonction d'onde de la particule. Et c'est la mesure qui semble faire advenir. Parce que dans un système classique, de physique classique, l'état, il est le même avant et après la mesure. Si on a une particule Exactement. énergétique, elle est énergétique, on la mesure et elle est toujours énergétique après la mesure. Là, en physique quantique, c'est pas comme ça. L'état ne préexiste pas avant la mesure. Il n'a qu'une probabilité d'advenir qui est décrite par sa fonction d'onde et c'est la mesure qui semble faire advenir. En mécanique quantique, il n'est pas possible de connaître l'état d'un système avant son observation, tout simplement parce que l'information sur cet état n'existe pas dans l'univers. Ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça comme ça, mais c'est comme si avant la mesure, l'univers n'aurait pas encore décidé quel en serait le résultat. C'est un peu space, hein? Ouais, donc on force le destin de la pauvre particule en l'observant. Voilà, ouais. Bon. Alors bon, là on essaie un peu de mettre en place ces deux, trois notions de fonction d'onde, de superposition et d'état quantique. Alors maintenant on va s'attaquer à l'expérience du chat de Schrödinger. Alors l'expérience, elle consiste à enfermer un chat dans une boîte fermée. Et dans cette boîte, il y a un dispositif qui tue l'animal dès que le dispositif détecte la désintégration d'un atome d'un corps radioactif. C'est-à-dire, on a un atome, on a une boîte, on a un chat dedans, on a un atome radioactif et on a un appareil qui permet de détecter la désintégration ou non de cet atome, d'accord? D'accord. Donc, on peut imaginer, par exemple, comme détecteur, un détecteur de radioactivité comme un compteur Geiger. Et ce détecteur de radioactivité, lui, il est relié à un interrupteur, toujours dans la boîte, qui peut provoquer la chute d'un marteau qui casse une fiole de poison en libérant un gaz mortel pour le chat. Donc l'interrupteur, il est activé et le chat est empoisonné si l'atome réactif se désintègre. Au contraire, l'interrupteur n'est pas activé et le chat reste vivant si l'atome ne se désintègre pas. D'accord? Tu D'accord. vois un peu le dispositif là. Ouais, je vois le truc. Et si les probabilités de la fonction d'onde de la particule radioactive indiquent qu'une désintégration a une chance sur deux d'avoir eu lieu au bout d'une minute, la mécanique quantique indique que tant que l'observation n'est pas faite, l'atome est en superposition et simultanément dans deux états, c'est-à-dire intact et désintégré. D'accord? Ouais. Or, le mécanisme de l'expérience imaginée par Erwin Schrödinger lie l'état du chat à l'état des particules radioactives, donc à l'état intact ou désintégré, de sorte que le chat serait simultanément dans deux états mort et vivant. Jusqu'à Ça que y est, c'est lâché, c'est dit. voilà, jusqu'à ce que l'ouverture de la boîte, c'est-à-dire l'observation, déclenche le choix entre les deux états. Du coup, tant qu'on ne l'a pas ouvert la boîte, on ne peut absolument pas dire si le chat est mort ou non au bout d'une minute. Il y a quelqu'un qui se connecte là, j'entends, sur Skype. Je me trompe? Alors ouais, en fait on a Franck qui devait faire l'émission avec nous puis qui était coincé dans les embouteillages et qui là vient d'arriver. Donc on va tenter de le connecter. On fait un petit coup freestyle là. Ouais, On va bah. rentrer dans un troisième état quantique. Non, je rigole. On va savoir tout de suite. Hop. Est-ce qu'il est par là? Suspense. Allô Allô? Franck? Franck, t'es avec nous? Non, il n'est pas avec nous. Bon, tant pis pour le troisième état quantique. Il n'est pas là? Non, on verra plus tard si s'il arrive. Peut-être qu'il arrive en cours de route, peut-être pas. En tout cas, là, ça nous a donné le temps donc de réfléchir à ce que tu disais. Alors, Le chat, je vais tant que la juste boîte n'est revenir. pas ouverte. Ouais. Ouais, vas-y, reviens. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit. Si je me retrouve, je disais que tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, en fait, l'atome est en superposition. Tant qu'on n'a pas effectué une observation, l'atome est en superposition quantique. Donc, il a les deux états intacts et désintégrés. Du coup, le chat aussi, il est dans deux états mort et vivant à la fois. Et ce, jusqu'à l'ouverture de la boîte, donc jusqu'à qu'il y ait une observation qui soit faite qui déclenche le choix entre les deux états. Du coup, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne peut absolument pas dire si le chat est mort ou non au bout d'une minute. Et en suivant scrupuleusement les règles quantiques, l'état superposé d'une particule, donc désintégrée et non désintégrée, devrait se propager à l'état du chat, qui devrait également être dans un état superposé mort-vivant. Or, un tel état naît et ne peut jamais être observé. Parce que, bon, on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte, finalement. Donc ça amène un paradoxe et un problème. On le voit bien. La difficulté principale dans notre conceptualisation de cette expérience tient dans le fait que si l'on est généralement prêt à accepter ce genre de situation un peu bizarre pour une particule quantique, notre esprit refuse quand même d'accepter facilement une situation similaire qui semble aussi peu naturelle quand il s'agit d'un sujet plus familier, macroscopique à notre échelle comme un chat. Ouais. En fait, le passage à l'échelle macroscopique que représente le chat par rapport aux particules radioactives est le principal intérêt de l'expérience. Il ne s'agit pas d'une question sur le vivant, c'est-à-dire, excusez-moi, petit chat dans la gorge. C'est le cas de le dire. Hein. Il ne s'agit pas d'une question sur le vivant, sur la vie ou le mort, parce qu'en fait, on peut très bien remplacer le chat par autre chose. On peut, par exemple, le propre interrupteur lui-même est un objet macroscopique qui se trouverait dans deux états simultanés, éteint et déclenché à la fois aussi. Cette expérience est plus une expérience de pensée, comme tu l'as dit au début du dossier. Donc c'est plus une expérience de pensée qu'une expérience réalisable au sens physique du terme. On ne pourra en effet jamais mettre en évidence directement ou mesurer que le chat est à la fois mort et vivant. Car le fait d'essayer de connaître son état provoquera nécessairement l'effondrement. Je m'excuse, je vais tousser un petit peu, parce que j'ai un sacré chat là Vas-y, quantique qui ouais, s'écoute. tousse un bon coup. T'as un chat à la fois mort et vivant dans la Je gorge. vais juste arrêter le micro 2 secondes. C'est la vengeance du chat qui a pas aimé son état quantique. C'est normal, ça devait arriver. Moi, je me suis toujours demandé à quoi ressemblerait cette expérience s'il avait choisi autre chose qu'un chat, parce que tout de suite, c'est émotionnel. quand on parle d'un mammifère auquel on est attaché. Je ne sais pas si on avait imaginé une autre créature que le chat. Est-ce que cette expérience de pensée aurait eu le même impact? Est-ce qu'elle aurait été aussi forte? Mais Einstein, il avait... Je m'excuse, faut que j'aille boire une goutte d'eau, je crois. Je vais pas y arriver. Vas-y. Vas-y, vas-y. 2 secondes. Non, ça a l'air d'aller là. Non, en fait, Einstein, il avait imaginé une expérience similaire, mais avec un tonneau de poudre au lieu du chat. Un tonneau de poudre qui pouvait exploser ou pas, ou qui explosait ou qui explosait pas en même temps, en fait. D'accord. Non, le chat, c'est qu'un exemple, finalement. Donc, en fait, donc oui, c'est plus une expérience de pensée qu'une expérience réalisable au sens physique du terme. On pourra en effet jamais mettre en évidence directement ou mesurer que le chat est à la fois mort et vivant. Car le fait d'essayer de connaître son état provoquera nécessairement l'effondrement de la fonction d'onde, menant inéluctablement à l'un des deux états, mort ou vivant. Yep. D'ailleurs, les expériences effectuées par les scientifiques sur la préservation de la superposition des états quantiques peuvent s'appliquer à quelques particules ou molécules. Mais les conditions techniques pour préserver l'état superposé du chat sont tout à fait irréalisables pour plus de quelques molécules. Écoute, je te propose, c'est que là je suis vraiment embêté avec ma gorge, je te propose d'essayer de connecter Franck à l'émission. Et puis je vais juste boire quelque chose, je reviens dans 1 minute. D'accord. Ouais, ça marche. Ok, mais Franck d'ailleurs était dans un état quantique, il était à la fois connecté et pas connecté, c'est-à-dire qu'on entendait un souffle, il était là, mais son micro fonctionnait pas. On peut refaire une tentative. Je vais essayer comme ça à tout hasard, en attendant que Mathieu revienne. Franck? Oui, et ça marche. Ah, formidable. C'est super. Ok, donc t'as pas entendu les derniers mots que je viens de dire, on parlait de ton état quantique, t'étais là sans être là, un peu comme le chat de Mathieu. Mathieu qui a un chat dans la gorge d'ailleurs et qui est parti boire une goutte d'eau, donc bah, c'est bien que tu sois là, ça me permet de meubler. D'accord, bah écoute, ouais, bah. Non, mais vous allez couper ou vous allez laisser. Je pense qu'on va rester fidèle à la tradition, à moins qu'il y ait un autre souci. On garde. D'ailleurs, comme ça, on s'habitue un peu aux conditions du live, et puis on peut en profiter pour ouvrir une petite parenthèse, en Oui. attendant le retour de Mathieu. Bah vas-y, c'est toi qui l'annonce, non? Qu'est-ce qu'on fait à partir du 4 janvier? Eh ben, on passe au live. Hey, yep. Voilà. Alors, C'est ben. ouais, c'est ton initiative au départ, et puis c'est marrant parce Non, que bah, nous, on l'avait non. vaguement évoqué avec Mathieu, mais finalement, on n'est jamais passé à l'acte, et puis. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, toi, tu l'as évoqué, et puis en même temps, une wiki radio nous a contactés pour Ouais. savoir si elle pouvait emprunter nos contenus pour meubler un peu sa grille dans les moments creux. C'est une wiki radio qui est spécialisée dans l'innovation et la science. Et puis du coup, on a rebondi Alors, sur la proposition. leur spécialisation, c'est l'innovation technologique et sociale, pour être précis, si j'avais Ouais, au mal regardé. départ. Voilà. C'est vrai, mais enfin ils sont en train d'élargir la ligne éditoriale pour y inclure la science, justement. D'accord. Bah oui, avec nous, justement. Ouais. Je suis de Et puis, retour. ah, magnifique. Bah, on a mis ton dossier entre parenthèses, en fait. On parle du live qui démarre au prochain numéro, puis on prend tout de suite l'antenne. Ok. Voilà, donc on était en train de raconter l'aventure, comment ça s'est fait, une wiki radio qui nous a contacté pour qu'on diffuse nos contenus en différé. On leur a demandé si on pouvait pas en profiter pour faire des lives. On nous a dit oui. Et du coup, voilà, on a fait nos petits essais qui étaient moyennement concluants, mais c'est pas grave, on a peur de rien. Ouais. On a peur de rien, on se lance. Donc rendez-vous le 4 janvier à 20h30 pour le premier live. Ce sera un dossier de Marco sur... L'histoire de l'évolution, Exactement. de l'audition, pas de Voilà, l'émission. l'histoire évolutive de l'audition. Donc vous aurez la possibilité de poser des questions en direct à travers une espèce de système de commentaires. Et puis je me rappelle plus, est-ce qu'on peut faire intervenir les auditeurs par Oui, téléphone? Oui, d'accord. par téléphone ou même par micro, je crois, hein, qu'ils ont la possibilité d'entrer dans l'émission à partir du site de la radio. Ils peuvent intervenir si on décide, enfin, sur notre invitation, quoi, en fait. Ouais, d'accord. Alors, Voilà. bon, on verra dans les détails, on vous les communiquera sur le moment, mais Ouais. ce serait cool, quoi. Podcast Science peut vraiment devenir complètement interactif. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, vraiment chouette. Alors, merci Franck, et Y a puis pas de quoi. on se réjouit d'attaquer. Mathieu, on te rend la parole, pardon pour cette interruption. On a meublé comme on a pu, tu vois, on essaie de s'habituer aux conditions du live où tout peut arriver. Ah non, c'est parfait, c'est parfait. Oui, je suis désolé, je sais pas, là, j'ai eu un gros chat de Schrödinger dans la gorge. Voilà, ben il s'est vengé. Donc c'est pour faire apparaître le caractère, donc je reviens sur le dossier, pour faire apparaître le caractère paradoxal de la multiplicité des états possibles avant la mesure et de la matérialisation vers un état mesuré et observé après la mesure que Erwin Schrödinger a imaginé cette expérience du chat. Ça repart, mon chat réapparaît dans la gorge. Je rebois une petite gourde d'eau, je sais pas ce qui m'arrive. C'est l'émotion. Ouais, je sais pas, c'est la dernière mission, ouais, ça va être Ouais, l'émotion. voilà. Ouais, c'est ça. En fait, Schrödinger, il voulait réfuter l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique qui conduisait à un chat à la fois mort et vivant, en soutenant l'idée que si l'on parvient à provoquer une dépendance ou un couplage direct entre l'état d'une particule et la vie d'un chat, on devrait pouvoir mettre le chat dans un état superposé, mort et vivant, jusqu'à l'observation, qui le réduirait à un seul état. Schrödinger pensait que la possibilité du chat mort-vivant démontrait que l'interprétation de la fonction d'onde par l'école de Copenhague, décrite originellement par Max Born, était incomplète. Parce que comment concevoir que le chat n'est pas d'état défini tant qu'on n'opère pas d'observation? Selon lui, le chat ne peut pas être mort et vivant à la fois. Enfin, pour nous non plus. Bah ouais. Donc, l'interprétation orthodoxe de la physique quantique, telle que l'a proposée l'école de Copenhague, qui mène à un chat à la fois mort et vivant, montre bien que la mécanique quantique semble obéir à des lois souvent contraires à notre intuition. On se rend compte alors que la question n'est plus tant de savoir comment la superposition des états est-elle possible dans le monde quantique, mais plutôt comment cette superposition comment c'est impossible en fait dans le monde réel que l'on observe à notre échelle. Alors, il y a différentes solutions qu'on a apportées à ce paradoxe. Parce que pour en découdre avec ce paradoxe sur l'état mort-vivant simultané du chat, il y a effectivement différentes pistes théoriques qui ont été mises en avant, qui tentent d'apporter quelques éléments de réponse. La première, c'est la théorie qu'on appelle la décohérence. C'est une des théories les plus acceptées actuellement. Cette théorie de la décohérence propose que l'état de superposition ne peut être maintenu qu'en l'absence d'interaction avec l'environnement qui déclenche le choix entre les deux états mort ou vivant. La décohérence n'est pas provoquée par une action consciente de l'observateur, qu'on interprète comme une mesure, mais plutôt par des interactions physiques avec l'environnement. De sorte que la décohérence a lieu d'autant plus vite qu'il y a plus d'interactions. Chaque éventualité d'un état superposé interagit avec son environnement. Mais la complexité des interactions est telle que les différentes possibilités deviennent rapidement incohérentes, d'où le nom théorie de la décohérence. Ok. Cette théorie de la décohérence, en fait, elle réconcilie d'une part le postulat de la réduction de la fonction d'onde avec d'autre part l'équation de Schrödinger qui autorise la superposition des états. Parce qu'il faut savoir, c'est que Schrödinger, autant il était très sceptique quant à l'interprétation de Copenhague sur la multiplicité des états dans le monde macroscopique, mais il avait quand même, c'est lui, alors je m'excuse, je rebois une goutte d'eau. Vas-y, vas-y, fais. Je disais, autant il était sceptique quant à l'interprétation de la multiplicité des états dans le monde macroscopique, mais c'est lui qui a quand même mis en avant une équation qui amène à cette multiplicité des états. L'équation de Schrödinger, en fait, c'est une équation qui régit les états possibles d'une particule. C'est une équation linéaire, ce qui entraîne que pour deux états possibles d'une particule, la combinaison de ces deux états est également un état possible. L'état mort-vivant du chat doit être possible selon l'équation de Schrödinger, une réalité qui lui semblait à lui et qui nous semble aussi à nous difficilement acceptable. Donc, comment donc les superpositions quantiques peuvent-elles disparaître à l'état macroscopique, alors que la linéarité de l'équation de Schrödinger mène naturellement à une préservation des états superposés aussi à l'échelle macroscopique? Alors, heureusement, la théorie de la décohérence peut démontrer mathématiquement que chaque interaction avec l'environnement des phases et des fonctions d'onde des états les unes par rapport aux autres, de telle manière que la probabilité d'observer un état superposé mort-vivant tend rapidement vers zéro. Et seuls restent observables les états correspondants aux états observables macroscopiquement, l'état mort ou bien vivant du chat. Il n'y a alors plus de paradoxe. Le chat se situe dans un état déterminé bien avant que la boîte ne soit ouverte. Et l'équation de Schrödinger est réconciliée avec la réduction de la fonction d'onde. Les interactions et l'environnement dont il est question dans cette théorie de la décohérence ont des origines très diverses. Typiquement, le simple fait d'éclairer un système quantique suffit à provoquer une décohérence. Même en l'absence de tout éclairage, il restera toujours au minimum les quelques photons du fond diffus cosmologique qui provoquent également une décohérence. Bien que bien plus lente en fait, mais il y aura quand même une décohérence. Et bien naturellement, le fait de mesurer volontairement un système quantique provoque des interactions nombreuses et complexes avec un environnement constitué par l'appareil de mesure. Dans ce cas, la décohérence est pratiquement instantanée et inévitable. À l'échelle macroscopique, où on trouve des milliards de particules en interaction avec l'environnement, la rupture de la cohérence, donc des états superposés, se produit donc pratiquement instantanément. Autrement dit, l'état de superposition ne peut être maintenu que pour des objets de très petite taille constitués de quelques particules. Donc pour la théorie de la décohérence, l'effondrement de la fonction d'onde n'est pas spécifiquement provoqué par un acte de mesure, mais peut avoir lieu spontanément, même en l'absence d'observation et d'observateur. D'accord, donc ça répond à ma question sur les dinosaures, déjà. Ouais. Mais excuse-moi Mathieu, dans le cas du chat de Schrödinger, justement, il y a une décohérence. Alors, dans le chat de Schrödinger, c'est une expérience de pensée. On l'a dit, tu n'étais pas là, mais on l'a dit que c'est une expérience de pensée. Donc, mais si on l'a réalisé vraiment. Alors, si on l'a réalisé vraiment, il y aurait une réduction de la fonction d'onde. Ouais. Après. Il y a la théorie de la décohérence qui dit que la réduction de la fonction d'onde est due par l'interaction avec l'environnement. Elle n'est pas due à l'observation. D'accord, mais l'observateur, c'est l'environnement. Bon, alors, évidemment, vu comme ça... Je crois que je vais me renseigner, ouais. On peut dire ça. D'accord, okay. Non, là l'idée de la décohérence, c'est-à-dire qu'il y a une réduction de la fonction d'onde qui amène à un état unique. Mais oui. que cette décohérence, en fait, elle est due aux interactions, non à une mesure. Donc, même si on n'observe pas, même si on ne mesure pas un objet quantique, il va de toute manière, tôt ou tard, avoir une réduction de la fonction d'onde due à l'interaction avec son environnement. D'accord, ok. Donc oui, l'effondrement de la fonction d'onde n'est pas spécifiquement provoqué par un acte de mesure, mais peut avoir lieu spontanément, même en l'absence d'observation et d'observateur. Et ça, c'est une différence essentielle avec le postulat initial de réduction du paquet d'ondes qui ne spécifie pas comment, pourquoi et à quel moment a lieu la réduction. Ce qui a ouvert la porte à des interprétations mettant en jeu justement la conscience et la présence d'un observateur conscient. Donc la théorie de la décohérence prend en fait le contre-pied de l'interprétation de Copenhague qui introduit l'observateur et la mesure intervenant au niveau le plus fondamental en physique. D'accord. Donc, en fait, l'expérience mentale du chat de Schrödinger se casse la gueule avec la théorie de la décohérence. Ça ne veut plus rien dire que tu ouvres la boîte ou pas, finalement, il n'y a aucun changement. Ce n'est pas l'observation d'un être conscient qui va fixer l'état de ce pauvre chat. Parfait. Mais en l'occurrence, c'est son interaction avec son environnement qui, au niveau macroscopique, est complexe. Quoi. Ouais, même en ayant la boîte fermée, la théorie de la décohérence dit que le chat a un état défini. C'est-à-dire qu'il y a eu une interaction avec l'environnement qui l'a amené à un état ou à un autre. D'accord. J'aime bien cette théorie de la décohérence. Alors, c'est qu'une théorie, hein. Alors, ça c'est la théorie de la décohérence, on va dire standard. Il y en a une autre, un peu plus avancée, qu'on appelle la théorie de la décohérence avec paramètres cachés. D'accord. La théorie de la décohérence avec paramètres cachés, en fait, c'est une variante Et comme pour la théorie classique de la décohérence, elle se produit toujours indépendamment de la présence d'un observateur ou d'une mesure. Mais la théorie de la décohérence avec paramètres cachés stipule aussi, je m'excuse, il faut que j'en reprenne un verre, je ne m'en sors pas Vas-y, aujourd'hui. vas-y. C'est la dernière, je voulais faire super bien, mais là c'est la catastrophe, quoi. Essayez de papoter 2 secondes, je vais me resservir un verre d'eau, ok? Ouais, alors D'accord. papotons, papotons. Embarque une bouteille, Mathieu. Ouais. Eh ben oui, ça va, Alan? Ça va super, ouais. Voilà, Bien ça sûr. c'est ce qui risque de nous arriver avec les lives. C'est Il sûr. va falloir meubler. Exactement, Ouais. ouais. Pour la petite histoire, quand je disais tout à l'heure que ça s'est moyennement bien passé, on peut raconter un peu comment ça s'est passé en fait. Ah oui, l'essai, ouais, qu'on a fait en live. Ouais. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Non, on a eu des problèmes techniques, quoi, des problèmes de micro déjà. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bah, quand même, le problème le plus spectaculaire, c'est que donc Marco a fait un dry run de son dossier. On a Ouais. essayé de faire des conditions de live, et à peine le générique a démarré, Marco s'est fait éjecter en fait de la Wiki Radio. Son compte a Ah été ouais. supprimé et il pouvait pas revenir. Puis on a essayé de meubler comme ça un petit moment et finalement on a dû abandonner. Heureusement que c'était pas un vrai live. Ouais, c'est clair, Ouais. sans présentateur de dossier, c'est plus dur, ouais. Ouais, là je crois que c'est le pire qui pouvait arriver. Puis bah, ça s'est arrivé avant même la première, comme ça on est fait au feu, on sait ce qui risque de nous arriver. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Mais bon, ça devrait plus se produire en fait. On a pu remonter les problèmes techniques à l'équipe technique qui est derrière la Wiki Radio, qui est super réactive, qui nous a donné des astuces pour éviter ce problème-là, qui avait l'air un peu quantique en fait. Quelque part, ouais, quelque Ouais. part. Il n'aurait pas dû exister, et pourtant. Ouais. Alors, je suis de retour. Ah bah voilà, bah c'est bien parce qu'on savait déjà plus quoi dire. Je suis désolé, mais bon, ça permet à tout le monde un peu de repenser à ce que j'ai dit. Ouais, exactement. Alors, Donc on en était à la théorie de la décohérence avec paramètres cachés, parce que la décohérence tout court, c'est trop simple. voilà. Voilà. Donc la théorie de la décohérence avec paramètres cachés stipule aussi que les lois quantiques ne seraient pas capables elles seules d'expliquer la décohérence. Ok. Elle introduit donc des paramètres physiques supplémentaires dans les lois quantiques, comme par exemple l'action de la gravitation pour expliquer la décohérence. Et l'inconvénient, c'est que ces paramètres supplémentaires, bien que compatibles avec les expériences connues, ne correspondent finalement à aucune théorie vraiment complète et bien établie à ce jour. Alors, il y a des autres approches aussi, un peu plus philosophiques, on va dire. Il y en a une qui s'appelle l'approche relationnelle. L'interprétation relationnelle, elle, ne fait aucune distinction fondamentale entre l'expérimentateur humain, le chat, l'appareil de mesure, les objets animés, conscients ou inanimés. Tous sont des systèmes quantiques gouvernés par les mêmes lois de l'évolution de la fonction d'onde. Et tous peuvent être considérés comme des observateurs. L'interprétation relationnelle autorise que différents observateurs peuvent avoir différents points de vue d'une même série d'événements, selon l'information dont ils disposent sur le système. Par exemple, le chat peut être considéré comme un observateur de l'appareil de mesure, alors que l'expérimentateur, lui, peut être considéré comme un autre observateur du système se trouvant dans la boîte, c'est-à-dire le chat plus l'appareil de mesure. Et avant que la boîte soit ouverte, le chat, selon qu'il soit vivant ou mort, dispose de l'information sur l'état de l'appareil, l'atome s'est désintégré ou non, mais l'expérimentateur, lui, ne dispose pas encore de l'information sur l'état du contenu de la boîte. Ainsi, les deux observateurs ont simultanément deux points de vue différents sur la situation. Pour le chat, la fonction d'onde de l'appareil apparaît comme réduite. Pour l'expérimentateur, le contenu, c'est-à-dire le chat plus l'appareil de mesure, semble toujours être en superposition. C'est seulement quand la boîte est ouverte que les deux observateurs, le chat et l'expérimentateur, ont la même information sur ce qui s'est passé. C'est seulement à ce moment que pour les deux observateurs, le système s'est réduit à un état défini. Le chat est vivant, soit vivant ou soit mort. En conséquence, l'approche relationnelle de la mécanique quantique argumente que la notion d'état ne décrit pas le système observé en lui-même, mais plutôt la relation ou la corrélation que le système entretient avec l'observateur. Donc cette approche ne se centre donc pas sur les objets eux-mêmes, mais plutôt sur les relations qu'il y a entre eux. Sur l'observation qu'on peut faire, en fait, sur le niveau d'information qu'on a du système. Voilà, exactement, sur le niveau Ah ouais, d'information j'aime qu'on bien a du ça, ouais. système. Ouais. D'accord. Alors ça, c'est l'approche relationnelle. Une autre approche, c'est l'approche qu'on appelle positiviste. L'approche positiviste pense que la fonction d'onde ne décrit pas la réalité en elle-même, mais uniquement ce que nous connaissons de celle-ci. Autrement dit, les lois quantiques ne sont utiles que pour calculer et prédire le résultat d'une expérience, mais pas pour décrire la réalité. Et les problèmes ou paradoxes qui peuvent potentiellement émerger deviennent alors dépourvus de sens, car ces problèmes ne concernent alors plus la réalité en elle-même, qui est finalement telle qu'elle est, et qui n'aurait pas à justifier de ses incohérences tant qu'elle donne des résultats qui sont à toute fin utiles ou corrects. Dans cette hypothèse, l'état superposé mort-vivant du chat n'est pas un état réel, il n'y a pas lieu de philosopher à son sujet en fait. De même, la décohérence ou l'effondrement de la fonction d'onde n'a aucune réalité en elle-même, et elle décrit simplement le changement de connaissance que nous avons du système. Ah oui, d'accord. Mais cette approche-là, elle est un petit peu inutile parce qu'elle va dire, finalement, comme on ne sait pas, bah, on ne peut rien faire, en fait, c'est ça? Oui, elle Enfin, on ne peut dit, pas. bah voilà, le paradoxe, ils évacuent ce paradoxe parce que l'approche positiviste décrit que la connaissance qu'on a, mais ça décrit pas la réalité. Donc la réalité d'un paradoxe n'existe plus finalement. Oui, c'est ça, voilà, ouais. Ah, d'accord. En fait, l'approche positiviste repose sur la conviction que la mécanique quantique n'est qu'une description de tout ce que nous pouvons connaître de la réalité, mais ne décrit pas la réalité en elle-même. Ouais. Bon, ça a le mérite d'être honnête, quoi, Ouais. finalement. C'est tout ce dont on est absolument sûr. Mais ça, alors justement, Si c'est pas grand-chose. y a une approche qui prend complètement le contre-pied de ça. C'est l'approche D'accord. réaliste, qu'on appelle Ok. réaliste, ou celle des univers parallèles. L'approche Aïe. réaliste, elle prend justement le contre-pied de l'approche positiviste et stipule que la fonction d'onde décrit la réalité et toute la réalité. Et l'approche réaliste pense que les postulats de la mécanique quantique nous disent quelque chose à propos de la réalité physique. En fait, et recherchent donc la cohérence et leur adéquation avec la réalité elle-même. Par exemple, dans cette approche réaliste, on a justement la théorie des univers parallèles ou multivers, qui est une théorie qui avait été initiée par Hugues Everett en 1957, qui s'inscrit justement dans ce courant de pensée réaliste. Et la théorie des univers parallèles permet de décrire séparément les deux états simultanés mort-vivant du chat et leur donne une double réalité, c'est-à-dire deux réalités dans deux univers parallèles. Donc ça signifie que quand une mesure quantique peut donner plusieurs résultats différents, l'ensemble des superpositions de toutes les valeurs possibles de la mesure coexistent dans un multivers. Mais nous n'aurions conscience que d'une seule éventualité, car notre conscience, qui est par hypothèse dans cette théorie un phénomène purement physique, se retrouve quantiquement intriquée ou liée avec un et un seul résultat de la mesure. Il est donc impossible pour un état de conscience donné de percevoir l'ensemble des états superposés, pourtant réels d'après cette théorie. Mais est-ce qu'une fois que la mesure est faite, ils disparaissent, ils deviennent irréels? Non, non, non, non. Ils continuent à exister, Oui, ouais. à chaque observation, la réalité se scindrait en autant d'univers que d'observations physiques possibles. D'accord, ok. Et selon cette théorie, le chat serait à la fois mort et vivant de façon totalement indépendante à l'ouverture ou non de la boîte. Les états mort et vivant subsisteraient après l'ouverture de la boîte. Les états D'accord, oui. mort et vivant seraient deux états réels qui ne peuvent pas interagir l'un avec l'autre et dont leur histoire se déroule dans différentes branches indépendantes de l'univers. Bon, ça c'est sympa, mais c'est enfin C'est un peu plus difficile. spéculatif, ça, on va Ouais, c'est dire. ça, ouais, difficile à observer. Ouais. Alors voilà, j'arrive au bout. En conclusion, voilà, le problème c'est où mettre la limite entre objets classiques, donc le chat, l'appareil de mesure, et les objets quantiques. Donc comment on passe du et, de ces états superposés, au ou, c'est-à-dire un état ou un autre, mutuellement exclusif finalement. Et on voit que le paradoxe du chat prend sa source finalement, c'est un peu ce que dit l'approche positiviste, le paradoxe du chat prend sa source dans la formulation même des lois quantiques. Si une théorie alternative formulé différemment, peut-être établi, alors le paradoxe disparaît de lui-même. Dans une telle nouvelle théorie, s'il n'existe ni superposition des particules, ni décohérence, alors le prétendu paradoxe du chat de Schrödinger se réduit à un simple artefact d'une théorie originellement mal formulée. D'ailleurs, la mécanique quantique, elle se fonde sur six postulats fondamentaux qui sont considérés comme exacts, une sorte de six axiomes, et certains considèrent que de véritables solutions au problème de la mesure ne peuvent être apportées qu'en remettant plus ou moins fondamentalement en cause ces postulats. Alors voilà, j'ai rajouté dans le dossier deux petites vidéos de 1 ou 2 minutes qui expliquent bien l'expérience et le paradoxe du chat Schrödinger. Donc je vous invite à aller voir, ça vous donnera un aspect un peu plus visuel de l'expérience. Deux petites vidéos sympas. D'accord. Moi, je viens de cliquer sur le lien que tu proposes dans ton dossier sur les six postulats, justement. Ouais. Bah, il faut s'accrocher. Hein. Mais moi, ça m'a surpris. Je savais pas qu'il y avait ces six postulats de base, parce que évidemment, toute la mécanique quantique repose là-dessus. Ouais. Et voilà, si ça reste que des postulats, finalement. Bon, tu vas me dire qu'en mathématiques aussi, il y a des axiomes, et puis que tout le monde qu'on connaît est basé sur les mathématiques et donc sur ces axiomes. Mais, ouais. Ouais, je sais pas quelle est la... Enfin, évidemment, parce que j'y connais rien, quoi. Quelle est la validité de ces postulats? Est-ce que c'est aussi sûr que des axiomes mathématiques, justement? Ou est-ce qu'il y a une dimension spéculative encore dedans? Ça m'étonnerait. En fait, moi, j'ai l'impression que le vrai problème qu'on a avec cette histoire, c'est un problème d'interprétation. On observe un phénomène, ou en tout cas, on le démontre mathématiquement, et puis après, c'est comme si on n'était pas câblé pour le comprendre, en fait. On ne sait pas ce qu'on doit faire de cette information, puis on cherche toutes sortes d'explications qui sont plus ou moins cohérentes, plus ou moins plausible, mais j'ai l'impression qu'on sait toujours pas très bien exactement à quoi on a affaire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, tout à fait, mais ça va nous amener à la côte d'aujourd'hui, tu vois. Ah bon, déjà. Qui va tout à fait dans le sens que tu dis. Bon, d'accord, mais on va quand même se garder un petit moment avant la côte, surtout que c'est ta dernière côte dans cette formule, alors on va la savourer, exactement. On va attendre un petit moment. On avait encore une ou deux choses à dire, si je reprends les notes de l'émission. Alors d'abord, sur le live, Franck, on avait encore quelques petites informations qu'on n'a pas dites spontanément comme ça, quand on a meublé tout à l'heure. Ouais. je sais pas si tu veux en parler maintenant. Bah écoute, j'ai pas exactement les infos sous les yeux parce que je suis pas bien dans le fil. Je te laisse y aller, vas-y. D'accord, ok. Donc, d'abord, le nom de la radio dont on a parlé, la radio s'appelle Newiz, Newez. Le live, on va le faire tous les mercredis de 20h30 à 21h30, donc à partir du 4 janvier. On vous mettra l'adresse sur laquelle vous pouvez nous écouter. On vous mettra ça avant l'émission sur Twitter, sur Facebook, sur le site de Podcast Science. Vous ne devriez pas le louper. Ça va figurer dans les notes d'émission de cette semaine. Si vous n'avez pas d'ordinateur sous la main, bah c'est très bien fait tout ça. Il y a des applications pour iOS, c'est-à-dire iPhone et iPad, et également pour Android, donc pour la plupart des smartphones du marché, pour l'application Newiz, donc l'application de la radio. Ça vous permettra non seulement de nous écouter, mais d'interagir, de poser des questions en direct dans l'émission. Comme on le disait tout à l'heure, mais j'en étais plus trop sûr, il y a la possibilité de nous appeler sur un numéro de téléphone qu'on communiquera également. C'est un numéro français. Bon, je crois que la plupart de nos auditeurs sont en France, donc ça ne devrait pas poser de problème. On ne l'a pas testé depuis la Suisse, il faudra qu'on fasse un petit essai. Et puis, accessoirement, on disposera d'un studio virtuel, donc ça nous permettra de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire jusqu'ici, comme diffuser des séquences préenregistrées, si on fait des interviews par exemple, des jingles, de la musique. Bon, y a toutes sortes de possibilités, comme d'habitude, on ne sait pas très bien ce qu'on va en faire, mais on nous met tout ça entre les mains, gratuitement, sans condition, donc on promet d'en faire quelque chose de bien. Et puis, le reste, on l'a dit, en fait. Le sujet de l'émission de Marco sera une chronique de l'évolution et expliquera comment l'évolution s'est chargée d'équiper les mammifères et les autres vertébrés d'un système auditif complexe et performant. C'est fascinant, comme toujours. Donc voilà, rendez-vous mercredi 4 janvier à 20h30 et on se réjouit beaucoup. Ouais, tout à fait. Sinon, encore quelques petits trucs, des petits plugs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Marc Montangero qui était venu nous parler de son initiative La chimie pour les nuls. Donc, tout au long de l'année 2011, qui était l'année de la chimie, il a diffusé des petits films sur son site chimie.ch. C'était des petites expériences faciles à réaliser à la maison. Avec pourtant des explications au niveau chimique assez complexes derrière. Il en a fait un livre, c'est Xavier Agnès qui nous le signale, il a appris ça dans l'émission Impatience de la première, la radio suisse romande. Voilà, Xavier nous dit, je pense que ça mérite un petit coup de pub. Et effectivement, je le pense aussi. Donc, j'ai pas eu l'occasion de voir le livre, malheureusement, mais j'imagine qu'il reprend toutes les petites expériences de ces films de 2 minutes, qui ont été égrenées tout au long de l'année. Si jamais vous trouvez tout ça sur édition.chimie.ch, donc édition au pluriel et sans accent, on mettra le lien dans les notes de l'émission. Le livre coûte 15 francs suisses. Ça risque d'être un peu tard pour Noël, mais si jamais vous faites vos cadeaux en retard, c'est sans doute une excellente idée. Et puis sinon, je voulais encore faire un petit plug rapide pour notre ami Xilrian, qui vient de sortir un troisième épisode de son excellent podcast 12 minutes 2. Alors, en guise de 12 minutes, ça dure 26 minutes pour changer, mais c'est vraiment super. C'est une discussion avec un journaliste économique qui s'appelle Stanislas Jourdan. C'est autour des revenus de vie. Donc, ça concerne les allocations universelles, les modèles économiques alternatifs pour ne pas laisser des gens sur le carreau. On sait qu'il y a 10 à 15% de chômage en France. On n'arrête pas de culpabiliser les pauvres chômeurs, alors que finalement, c'est une réalité depuis des années. Il n'y a pas de boulot pour tout le monde. Et puis finalement, il n'y a peut-être pas besoin de boulot pour tout le monde, parce que l'économie prospère malgré tout, elle croît. Enfin voilà, il y a toute une réflexion autour de nouveaux modèles qui pourraient être mis en place. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Donc c'est 12minutes2.com, donc 12 en chiffres, minutes au pluriel, DE, tout collé, .com. Et puis, vous savez que Xilrian a deux podcasts qu'il a lancés à peu près simultanément. Donc il en est au cinquième épisode de son podcast Vie artificielle, et cette fois ça porte sur les algorithmes génétiques. Alors c'est de la haute voltige aussi, il faut s'accrocher, mais après le chat de Schrödinger, je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est absolument fascinant aussi. Donc là, le site, c'est vie-artificielle.com. Je me réjouis d'écouter son émission sur les allocations, sur le revenu universel, parce que j'ai lu deux, trois choses là-dessus. Moi, j'y crois pas du tout, personnellement. J'y vois plein de problèmes. Donc, je me réjouis de voir comment ils vont arriver à défendre ça. Mais Ouais, ça va être. Enfin, je pense qu'il est ouvert au débat. Tu ouais. dois pouvoir poster tes commentaires. Ce serait intéressant qu'il y ait débat. Moi, c'est un sujet que je découvre, en fait. J'y connaissais absolument rien. Et puis, je trouve la présentation extrêmement convaincante. Déjà extrêmement claire. D'abord, j'ai compris de quoi il s'agissait. Alors que moi, la simple évocation du mot économie, c'est pire que physique quantique, quoi. J'ai tendance à m'enfermer dans ma coquille. Là, c'était super clair. Et puis après, effectivement, si tu connais un peu le sujet. Ouais, je pense qu'il y a de quoi discuter. Donc voilà, ouais, j'ai donné les liens. Allez-y, c'est vraiment génial. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires sur iTunes aussi. Ça fait pas très longtemps que Xilrian a démarré ses podcasts. Il n'y a pas encore des tonnes d'interactions comme on en connaît chez nous. Et pourtant, franchement, en termes de qualité, c'est tout aussi bien, si ce n'est mieux. Allez-y, quoi. Chers auditeurs de Podcast Science, allez écouter tout ça, c'est vraiment super. Et puis, moi, j'ai pas d'autres plugs, j'ai pas d'autres commentaires. Je voulais te préparer un petit truc, Mathieu, mais malheureusement, j'ai pas eu le temps, genre reprendre tes meilleurs quotes ou tes meilleurs chats dans la gorge ou quelque chose comme ça. Mais je te réserverai ça pour la centième ou pour la millième ou pour une autre fois. Donc, on n'a plus qu'à enchaîner avec la quote, avec ta dernière quote. Ouais, alors, je sais pas si la dire d'abord et de la essayer un peu de la décrypter après ou l'inverse. Bah, ça rejoint un peu ce que tu as dit à la fin du dossier en ce qui concerne les interprétations. Je vais peut-être d'abord un peu. Ouais, je vais peut-être la dire à la fin, en fait, la quote. D'accord. Parce que, bon, on a vu qu'il y avait différentes théories qui tentaient d'interpréter un peu ce paradoxe. Et en fait, il y a de plus en plus de physiciens qui s'inscrivent dans un mouvement qu'on appelle. En fait, qui mène une interprétation qu'on appelle instrumentaliste. Et cette interprétation instrumentaliste, en fait, bon, on l'appelle interprétation, mais en fait, elle essaye d'éviter tout type d'interprétation, en fait. Parce que D'accord. le problème, c'est est-ce qu'il faut expliquer uniquement ou essayer d'écrire uniquement ce que disent les équations, ou est-ce qu'il faut aussi en faire une interprétation? C'est un peu ça, c'est un peu ce que tu disais avant, que voilà, on essaye de lancer des interprétations, mais finalement, on sait pas grand-chose. Parce que le problème de la mécanique quantique, en fait, c'est justement qu'elle a diverses interprétations, et aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la bonne. Et d'ailleurs, on ne sait même pas si ça fait du sens de se poser la question, s'il y a une interprétation correcte. Il y a quand même ça a quand même du sens puisque c'est utile aujourd'hui la mécanique quantique, ça donne pas mal de ça a des par exemple je pense aux ordinateurs quantiques, c'est quelque chose qui marche et Oui, qui fondait non. là-dessus, non? Alors c'est clair qu'au niveau quantique, on a des équations qui montrent la superposition des états, ça c'est au niveau quantique. Mais le paradoxe de Schrödinger, c'est d'extrapoler ces notions au niveau macroscopique. Et c'est là où les interprétations qu'essayent d'expliquer comment on peut interpréter la mécanique quantique au niveau macroscopique, que Ah oui, ça d'accord, c'est bute un le... peu, ça bute un petit peu en fait. D'accord. Ouais. D'accord, ouais. Bon, que ce soit une bonne idée ou pas de se poser la question, j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire autrement, quoi. On est des êtres humains, on est câblés comme ça, on se pose des questions, on cherche des explications, on essaye de comprendre, ouais, de comprendre les patterns. Ouais, mais le Là, le problème. problème, c'est qu'on bute sur un problème extrêmement compliqué, quoi. Peut-être qu'on n'est juste pas assez intelligent pour l'interpréter. Le problème, ouais, mais le problème de l'interprétation, c'est que justement, ça interprète et ça modifie en rien ce que dit la théorie, en fait, une interprétation. Une Bien interprétation, elle sûr. confirme ce que dit la théorie, mais ça reste qu'une interprétation. Donc, il n'y a aucune manière de monter une expérience qui permet de dire si une interprétation est correcte ou fausse, finalement. Donc, c'est un peu le problème de l'interprétation. Alors, ça m'amène à la quote. Beaucoup de gens pensent qu'elle est de Richard Feynman, mais elle n'est pas de Richard Feynman, elle est d'un autre physicien qui s'appelle David Mermin, qui dit en anglais Shut up and calculate. Ouais. Elle est facile à traduire, celle-là. Donc elle dit taisez-vous et calculez. Voilà, on fait des calculs, on obtient des résultats, mais bon, on laisse les interprétations de côté en gros, quoi. Et on se concentre Ouais, sur les résultats. c'est pas mal, ouais. C'est très vrai, je trouve. Ouais, en tout cas, oui. Ouais. Je sais pas très bien quoi dire en fait, parce que c'est ouais, tout le problème, c'est ce côté contre-intuitif. On observe quelque chose, enfin on l'observe, on arrive par différentes méthodes, d'une combinaison d'observations, de prédictions mathématiques, d'équations, à une situation qu'on ne sait pas comment interpréter. Alors, donc ce que ta quote dit, c'est bah, boucler là, continuer de calculer, peut-être qu'un jour on comprendra finalement. Voilà, ouais. Ouais, mais en attendant, on a quand même, on a ce côté, on a besoin de comprendre, même si c'est faux, même si c'est pas à notre portée, on doit chercher des explications. Ouais, c'est dans la nature humaine, forcément, Il me semble, ouais. hein. Je crois que c'est plus une envie qu'un besoin, en fait, hein. C'est l'envie d'extrapoler des choses à partir de formules, d'équations. C'est quelque chose qui est, à mon avis, qui est ouais, fondamentalement humain et qui finalement sert à rien et qu'il vaut mieux éviter de faire, quoi. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, moi je sais pas non plus tellement quoi en penser finalement. Moi je suis de manière pas du tout capable de lancer les interprétations. Là j'ai cité celles qu'on a dit, mais c'est vrai que moi, avec mes humbles connaissances jusqu'à présent, je vais me limiter à me taire et à calculer, je crois. Ouais, c'est vrai, ce serait pas mal. On entend tellement de délire d'ailleurs concernant la physique quantique. Enfin, non, justement pas la physique quantique. Tout ce qui est quantique, mais qui n'est ni de la physique, ni de la mécanique, ni de l'informatique. Il y a beaucoup de théories ésotériques qui C'est s'emparent de ça, ces ouais. bizarreries Ouais. quantiques pour lancer des théories très fumeuses aussi. C'est ça, ouais. C'est complètement récupéré par les mouvements New Age. Ouais, je pense qu'il faut faire attention, quoi. Tout le monde n'a pas la modestie de renoncer à l'explication ou de considérer qu'elle est hors de notre portée. Il y a quand même des charlatans qui vont expliquer, qui avancent avec leur petite vérité, et puis ouais, qui c'est comme... s'ils sont suffisamment charismatiques, sont entendus. Ça me fait penser un petit peu à l'utilisation, bon, c'est un sujet un peu délicat, mais c'est un peu l'utilisation de la théorie de Darwin de l'évolution par le nazisme, en fait. C'est bah, les fascismes qui vont dire, l'eugénisme en fait en général, qui va dire qu'il faut améliorer l'humanité parce que c'est la loi de Darwin qui dit ça, alors qu'en fait, pas du tout, la loi de Darwin, elle va dire c'est le plus adapté qui survit, et pas du tout, elle va pas du tout justifier les dérives qu'on a pu faire à partir de cette théorie, quoi. Ouais, c'est absolument. Un petit peu le même... Ouais, voilà. C'est vrai, c'est été récupéré par des gens qui l'ont pas comprise fondamentalement, qui ont qui l'ont pas compris. comprise, exactement, ouais. Qui ont développé une théorie qui était simple et vraie à la base, mais qui ont bâti des théories, des interprétations hasardeuses, je dirais. Ouais, et c'est vrai, il n'y a pas que les nazis, d'ailleurs, tout le mouvement du darwinisme social était une vraie catastrophe. Du même ordre, effectivement, c'était de l'eugénisme aussi. On était convaincus que ouais, seuls les plus forts, les meilleurs allaient survivre, alors que Voilà, ouais. la théorie dit pas ça, quoi. Exactement, exactement. La théorie dit juste que les plus adaptés sont les plus favorisés pour transmettre leur gène à leur descendance. Point. Ouais. Ouais. Donc bon bah magnifique sujet de réflexion Pour ses pour vacances, une dernière. Ouais. Tu nous fais une sortie en beauté, Mathieu. Moi j'ai une deuxième petite quote Ah, ah. qui ouais. Elle est toute petite, celle-là, et puis elle m'a été inspirée juste avant qu'on commence à enregistrer l'émission par un message qui nous a été envoyé par un poditeur, qui nous envoie pas mal de messages d'ailleurs ces temps. J'ai l'impression que c'est encore une de ces personnes qui a découvert le podcast sur le tard et puis qui réécoute tous les épisodes d'un coup, qui s'appelle Charles Cochon, et qui dit, donc je crois qu'il vient d'apprendre que tu allais t'éloigner du podcast, Mathieu, et il dit « Bonne chance, Mathieu, et que la science te garde ». J'ai trouvé ça très poétique, très joli. Excellent, C'est très beau. ouais, excellent. Et bah ouais, j'espère que la science et la mécanique quantique vont me garder sain et sauf, effectivement. Mais bah ouais, bah merci. Et puis bon, on va se retrouver dans quelques semaines. De toute manière, je serai en tout cas présent dans les premières émissions, en tout cas du live, quoi. J'essaierai d'apporter mon petit grain de sel via le chat. Ah, bah c'est cool. Ah bah Chouette, génial. alors, le rendez-vous est pris. Formidable. Donc, Moi on je voulais. t'entendra peut-être pas, mais tu seras dans les parages. T'allais dire quelque chose, pardon, Franck? Oui, je voulais dire beaucoup. Merci beaucoup à Mathieu de partir parce que c'est un peu grâce à ça que je suis là, mais bon, Ah. non, je dis ça en plaisantant. Mais non, non, mais c'est dommage que tu partes et puis c'est bien que tu sois encore là pour les épisodes à venir, quoi. Ouais. Ouais, et puis moi aussi, je veux te dire merci, Mathieu. Sans toi, le podcast n'existerait pas. Ouais, c'est formidable. T'as consacré un temps fou. Je me rappelle que quand on en a parlé au tout début, t'étais vachement réticent. Tu disais, ouais, mais quand même, ça va me prendre du temps, etc. Puis quand t'as démarré, t'as juste plus compté, quoi. T'as passé un temps hallucinant à préparer tous ces dossiers sur des sujets dingues. T'as passé beaucoup de temps aussi à interagir beaucoup avec les poditeurs, leurs réactions, les commentaires sur le blog, sur Twitter, sur Facebook. Enfin, l'une dans l'autre, t'as été d'une générosité inouïe, alors que d'emblée, t'avais annoncé que t'avais pas tellement de temps. Je voudrais juste te dire merci. Bah en tout cas, c'était un vrai plaisir. Et puis moi, en tout cas, ce que je retiens de tout ça, c'est que, bon, comme tout le monde l'a constaté, j'ai fait beaucoup de dossiers un peu liés à la physique, parce que c'est un peu mon sujet de prédilection. Puis ça m'a permis, en tout cas personnellement, bah, d'apprendre beaucoup et d'approfondir les deux, trois notions que j'avais, et de les approfondir et de mieux les assimiler. Et bah, moi, ça m'a aussi apporté beaucoup. Donc, très content. Donc c'est du C'est du gagnant-gagnant. win-win, comme on dit. C'est cool. Ok, donc là, pour ceux qui nous écouteraient en différé, ce que vous venez d'entendre, c'est l'émission qui a été enregistrée le 21 décembre 2011. Donc on va faire une petite pause maintenant d'une semaine avant de se retrouver le 4 janvier. Et puis ben, on vous souhaite pendant cette période tout le meilleur pour les fêtes de fin d'année. On vous souhaite une excellente année. Une petite pause de 2 semaines, non? Pause de 2 semaines? Non, Une non. semaine, une Une semaine. semaine. Enfin, On 2 semaines. se retrouve dans 2 semaines. Hein. Voilà. On a juste une semaine avec un trou sans émission. D'accord. Voilà. Pas sûr d'avoir compris, mais c'est pas grave. On se retrouve le 4 En fait, janvier. on saute un Voilà. numéro, mais ça fait 2 semaines sans podcast, en fait. Voilà qui est bien résumé. Voilà. On aurait dû se Voilà. retrouver mercredi prochain. Là, on fait une petite pause, on zappe, c'est les vacances, et on se retrouve le mercredi d'après. Ok. Voilà. Nickel, bah d'ici là, ouais, de superbes fêtes à toutes et à tous et une excellente année. Et on se retrouve bientôt. À bientôt. Ciao. Bonne année à tous. Ciao, ciao. Ciao.